Ça s'allume comme un Détroit, ça vend comme un Rotterdam. Des valises dans un T3 et des liasses à hauteur d'homme. S'il faut, on te lèvera à l'aurore, s'il le faut, on opère tard. Pas trop de spectacle, rien important, toujours garder l'omerta. Rester debout, c'est dur, mais faut survivre, t'as pas 10 000 choix. Problème, etc., c'est vrai que c'est rare, je te parle de mes joies. Rare comme un quartier sans chute, rare comme une meuf qui a jamais joui. La police tue, logique que les balances finissent en m'échouer. On fait que raconter nos vies au micro, soudain l'hémophile. Quand je pense au mien, mon cœur arrête pas de saigner comme un hémophile. Regarde ces fils de putain, veulent nous dire comment élever nos filles. Me parlez pas de respect, me parlez plus de pays de pédophiles. J'suis aigri, c'est mort, j'écris le décor, aigri et gore. J'écris, j'ai pris l'école, ce soir c'est la faucheuse qui trie les corps. Décor aigri et gore. Ce soir c'est la faucheuse qui trie les corps. C'est la faucheuse qui trie les corps, c'est la faucheuse qui trie les corps. Regarde ces fils de putain, veulent nous dire qu'on est évolué. Nous parlons pas de respect, nous parlons plus de respect. Soit on meurt violemment, ou on s'étincelle. J'vois plus d'étincelles, ils m'ont planté dans le dos. Ils ont percé l'intestin grêle, loin du destin de rêve. Il me reste un bête, j'regarde la vie dans les yeux. Jamais j'baisse la tête, le rap français il reste à terre. Ou j'lui baisse sa mère, j'suis pas l'alias du PDG ou du PSG. Pas la gueule de Ben PLG. Et à chaque couplet que j'écris, j'suis censuré par les RG. Dans la chaîne, je veux être le king comme Mufasa. Avec le salaire à Messi, on pourrait armer tout Gaza. 12 kilos coup de stylo, si derrière ça klaxonne. Sale duo, sol fluo, comme si j'étais Jackson. Et ça shoot comme à Cleveland, les kills vendent le bifton. T'en veux du Christian, des cristaux, des biftons. Fais des cryptons, des litrons, comme 6 gros. Le crime ça paye en crypto. Le crime ça paye en crypto. Le crime ça paye en crypto. Je veux être le king comme Mufasa. Avec le salaire à Messi, on pourrait armer tout Gaza. Tout à fait.